Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bonjour et bienvenue sur Fadjet pour votre chronique au fil de l'eau en compagnie de François. Bonjour François. Salut. Comment ça va ? Ça va et toi Yves ? Bah, très bien avec ces belles journées qui nous arrivent. Oui. Donc François qui est chargé de développement pour la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Nous accueillons également en studio Marielle. Bonjour Marielle. Bonjour. Qui est en stage à la radio pour quelques jours, voire semaines même. Oui. Donc si tu as des questions, tu n'hésiteras pas à interpeller François. Toutes les questions, il a toujours une réponse. D'accord. Quoi qu'il arrive. Parfait. Surtout sur la pêche, on va dire. On restera sur la pêche. Voilà. Et ce mois-ci, eh bien, on va bien parler de pêche, on va parler d'un poisson et des techniques pour l'attraper, la carpe. C'est ça, je ne serai pas muet comme une carpe, promis. Tant mieux, sinon la chronique aurait été très courte. Il fallait la faire. Il fallait. Effectivement, on va parler de la carpe, pourquoi ? Parce que, tu l'as dit, hein, c'est le printemps, l'eau se réchauffe, les jours s'allongent, et c'est super de mettre le nez dehors pour retourner à la pêche, et notamment pêcher la carpe, parce que aussi, début avril, c'était l'ouverture des parcours de la pêche de la carpe de nuit. On rappelle que la pêche de nuit est interdite normalement, sauf juste pour la carpe sur certains secteurs qui sont définis par arrêté préfectoral. Donc ça, il faut regarder notre petite carte interactive sur Internet. Et voilà, on peut pêcher que la carpe sur ces secteurs-là la nuit. Voilà. Voilà, depuis le 1er avril. C'est ça. Quelle belle date, hein ? Tout à fait. On peut noter que vous avez noté sur la page Facebook qu'on avait une capture 47 kilos d'une carpe le 1er avril. Oui, c'était sympa. Bravo, félicitations. Quel beau record du monde. Bref, plus sérieusement, cette capture de la carpe, alors peut-être rappeler un peu son comportement. Où est-ce qu'on peut la trouver, la carpe ? Oui, alors la carpe, c'est un poisson qui est très commun. Donc ça veut dire que ça se trouve partout, hein, dans les canaux, les cours d'eau, plutôt donc de deuxième catégorie, où l'eau est un petit peu plus chaude, plus calme, plus profonde, dans les plans d'eau également. Donc c'est un poisson qui est présent chez nous depuis le Moyen-Âge, hein, qui a été introduit pour l'élevage, la pisciculture et qui s'est développé dans le milieu. C'est un poisson qui est assez massif, hein, c'est assez trapu comme poisson. Je ne sais pas si tu vois, Marielle, à quoi ça ressemble, une carpe, non ? Pas trop. c'est assez brun beige. Alors, il y a plusieurs sous-espèces. Hein. Il n'y a qu'une espèce de carpe, c'est la carpe commune. Et en fait, il y a différentes formes de carpe. Carpe commune, généralement, on appelle ça la carpe commune, c'est la carpe avec plein d'écailles. Mais il y a une carpe, les formes carpe cuir et carpe miroir, c'est celles qui n'ont pas du tout d'écailles ou quelques grosses écailles sur le corps, vous regarderez. Donc c'est brun, c'est assez trapu, assez massif, ça peut être assez gros. Hein. Alors 47 kilos, effectivement, tout le monde l'a bien compris. Le montage photo était assez pourri d'ailleurs. Non, il y avait du talent, il y avait des... bravo. Hein. Merci. Jusqu'à quel poids on peut trouver des carpes ? Mais voilà, les carpes, on va dire qu'un poisson au-dessus de 25 kilos, c'est déjà un très très beau poisson. Quoi. C'est déjà énorme, 30 kilos. Mais voilà, des poissons entre 10, 15, 20 kilos, il y en a quoi. Et on a des beaux secteurs, nous, chez nous. Hein. La Meurthe et la Moselle, notamment, sont deux rivières qui sont assez réputées pour la pêche de la carpe. Et il y a des gens qui viennent d'assez loin, même, hein, de pays étrangers, pour venir pêcher la carpe aussi chez nous. Donc depuis le 1er avril, donc, on peut de nouveau pêcher de nuit aussi la carpe. Pourquoi particulièrement la nuit, c'est mieux ? Alors, c'est mieux parce qu'on pêche plus longtemps. Donc statistiquement, tu as plus de chances d'attraper un poisson si tu pêches pendant 24 heures plutôt que 12. C'est un poisson qui aime vivre la nuit aussi, du coup. Alors, il dort ça se nourrit indifféremment le jour et la nuit. D'accord. Ça, oui, un peu comme tous les poissons, tu as un petit peu des pics d'activité. Mais voilà, j'avoue que j'ai pas forcément la réponse à cette question-là. Pourquoi on ne peut pêcher que la carpe, que la nuit ? Je pense que c'est aussi un petit travail de lobby, peut-être à l'époque, des carpistes. Hein, donc, les carpistes, c'est les pêcheurs de carpe qui ont peut-être un peu poussé pour au niveau de la loi que ça soit autorisé. Donc on rappelle, attention, c'est que sur les parcours qui sont définis par arrêté préfectoral. Ah oui. Donc c'est pas partout. Il faut bien regarder la carte sur notre site internet. Voilà, pêche-54.fr. Bien entendu. Et donc alors les techniques pour pêcher cette carpe, elles sont multiples et on pensait parler des appâts aussi pour. Oui. Oui, tout à fait. Alors, il faut, on l'a dit, c'est un poisson qui peut être assez costaud, donc il faut du matériel aussi un petit peu, il faut s'équiper en conséquence. Ouais. Hein. Alors, c'est un poisson qui fouille le fond hein, pour se nourrir, donc ça a une grosse bouche toute ronde, comme ça, avec deux petits barbillons. Ça se met un peu à 45 degrés l'aspirateur au fond de l'étang. On peut les repérer d'ailleurs en surface, on voit des petites bulles des fois. Ça arrive, les petites bulles, et puis des fois elles passent quand même en bordure, justement, quand elles se nourrissent, donc sur des plans d'eau ou des cours d'eau. Avec de l'eau un petit peu claire, on peut voir des carpes se promener et puis se nourrir. Donc c'est un poisson qui vit globalement au fond, qui se nourrit au fond. Donc quand on va le pêcher, au fond. On va pas mettre un appât avec un flotteur qui va se situer entre deux eaux ou en surface. Donc ça va être plutôt un plomb et un bas de ligne et un appât. Et alors là, la diversité des appâts pour la carpe, elle est assez intéressante. Alors on peut pêcher avec des graines, hein. Du maïs, alors des grosses graines aussi, hein, comme des pois chiches, des trucs comme ça. Ouais, ça arrive. On peut pêcher aussi avec ce qu'on appelle des pelées, c'est-à-dire c'est des appâts, c'est des agglomérations justement de farine, de graines, etc. Ou alors des bouillettes, c'est les bouillettes, c'est des petites billes comme ça, c'est pareil, c'est de la farine, farine de céréales, différents types de céréales, différentes granulométries, différents arômes. Il y a une diversité énorme, c'est l'appât roi pour la carpe, c'est la bouillette, quoi. Il prend un peu tout ce qui vient. En termes de goût, il n'est pas difficile. Ça dépend, il y a les spécialistes. Après, c'est les techniques de pêcheur, quoi. Ouais, chacun va avoir ça. Te diront que le parfum écrevisse épicée marchera bien quand il fait chaud et que l'eau est à plus de 18 degrés et que oui, c'est ça. Quand l'eau est froide, il faut aller plutôt sur de la vanille de Madagascar. Il y a plein de parfums, non, c'est rigolo. Et c'est ça qui est aussi sympa dans la pêche. C'est comme quand on parle de pêche au leurre, la diversité des leurres. Oui. Attention, hein, il y a effectivement des tendances et il y a des trucs qui marchent mieux que d'autres ou à certains moments, etc. Mais c'est tellement multifactoriel et il y a tellement de paramètres que tu peux pas t'empêcher des fois de sourire un peu en comparant la diversité des choses qu'il y a à ta disposition pour en termes de moyens pour remplir ton objectif qui est d'attraper un poisson et les théories dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Enfin, toi, ta technique pour la carpe. Ouais. Eh ben, alors moi j'y vais pas trop, mais il y a un appât dont on n'a pas parlé et que moi j'aime bien parce que, alors je vais pas faire mon réac, mais c'est l'appât du papy, c'est la patate. Ah, la bonne vieille et patate. Et en fait ça marche, la bonne vieille patate, figure-toi que ça marche et je trouve ça assez... C'est simple. Assez simple et assez sympa aussi, même si justement les carpistes ont des bateaux amorceurs, c'est-à-dire qu'ils ont des bateaux télécommandés pour aller déposer... leur je te jure hein, ah oui. Avec un bouton, il y a une petite trappe qui s'ouvre, hop, ça dépose leur appât et leur amorce et leur ligne, hop, ils reviennent, donc c'est hyper précis, c'est géolocalisé, etc. Ah, c'est les pros, je trouve là. Ça fascinant et extraordinaire, ouais. Mais dans le même temps tu peux pêcher avec la canne du papy et un bout de patate, quoi, et je trouve ça génial qu'il y ait cette diversité de techniques et de matériel, en fait. Voilà, donc une bonne vieille patate, on peut la tremper dans différents arômes, hein, puis tester. Bien sûr, oui, il faut tester. Hein. Et la qualité première du carpiste Je pense que c'est la patience et l'adaptabilité. Mais ça, c'est des qualités qui sont assez universelles dans la pêche, parce que s'adapter, ça veut dire observer, ça veut dire ressentir, t'as le fameux sens de l'eau, on fera un petit truc là-dessus d'ailleurs, parce que c'est assez intéressant à discuter de ça. Oui, alors la patience, c'est toujours pareil, la patience à la pêche, on a toujours quand même quelque chose à faire, et alors même si c'est effectivement la pêche de la carpe, on l'a dit, c'est une pêche opposée, souvent ils ont plusieurs, les carpistes pêchent avec plusieurs cannes, on rappelle que la limite réglementaire, c'est 4 cannes sur le domaine public. Là. Oui. Du coup, quand on a 4 cannes dans l'eau, alors effectivement, une fois qu'on a préparé ses appâts, etc., son amorçage, tout ça, on pose ses cannes dans l'eau, on attend. Mais en fait, il y a quand même sans arrêt un truc à faire. Il y a aussi, à un moment donné, l'observation de l'environnement. On peut regarder ce qui se passe, etc. Et puis, il y a toujours des petits ajustements. Donc, en fait, quand on dit il faut de la patience, t'es toujours quand même un petit peu actif, quoi. Même sur des pêches, on va dire, statiques, parce que tu restes sur un coup de pêche. Marielle, est-ce que tu as une question par hasard ? Moi, c'est surtout personnel. Vous faites de la pêche, en général, pour attraper les poissons et surtout la satisfaction d'en avoir, ou c'est pour après les cuisiner, les manger ? Maintenant, la pratique de pêche, on pêche beaucoup, beaucoup en ce qu'on appelle en no-kill, c'est-à-dire en no-kill, ne pas tuer. Okay. Tu vois, no kill en anglais. Et d'ailleurs, les carpistes ont été parmi les premiers pêcheurs à vraiment relâcher tout le temps leurs poissons, à en prendre soin. Il y a même des petits kits, ils ont des petits kits de cicatrisation quand ils piquent l'hameçon sur les lèvres, là, quand ils décrochent tout doucement. Donc, ils enlèvent les ardillons. Les ardillons, c'est le petit crochet qui va en arrière pour éviter que l'hameçon se décroche. Mais quand tu l'enlèves, ça peut faire une petite blessure. Et donc, ils ont vraiment des petits kits comme ça. Donc, ils ont vraiment des sacs de conservation, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils posent jamais leurs poissons par terre, sur les feuilles, sur les rochers, etc. Ils se mouillent toujours bien les mains. On a d'ailleurs sur le site internet de la Fédé un petit article sur comment bien manipuler les poissons et bien faire les photos. On est en 2023. On n'est pas des vieux non plus, vieux, même si on pêche des fois à la patate, on a quand même Instagram, et des fois, on fait un petit selfie quand on prend un poisson, on le remet dans l'eau, et voilà. Alors après, la réglementation permet effectivement, sur certaines espèces, alors sur la carpe, il n'y a pas de réglementation, on peut prendre toutes les carpes qu'on veut pour les manger. Est-ce que la carpe, c'est très bon? Je sais qu'en Alsace, ils font de la carpe frite en spécialité, mais il faut que c'est élevé en bassin, dans de l'eau claire, sans vase, etc., parce que sinon, c'est pas super bon. On peut très bien, dans la limite de la loi, manger les poissons, il n'y a aucun souci, et il n'y a pas de contre-indication là-dessus, mais c'est vrai que dans la pratique, beaucoup, beaucoup, de plus en plus, maintenant, on pêche pour le plaisir, pour passer un bon moment au bord de l'eau, entre potes ou tout seul, ou en famille, et puis attraper un poisson, le but... ultime, l'observer un petit peu et puis le relâcher tranquille, quoi. Ok, ça marche. Voilà pour la pêche de la carpe. N'hésitez pas à vous rapprocher des pêcheurs quand vous les croisez au bord de l'eau pour aller les interroger sur les différentes techniques, les saveurs qu'ils proposent. Tout à fait. À nos poissons préférés. Bien, voilà, merci François. On continue cette petite émission au fil de l'eau sur l'actualité. Oui. Il y a quelques petites choses à dire. Un agenda qui commence à se charger. Oui, oui, oui. Alors, on peut parler de l'ouverture de la pêche du brochet, qui est notre deuxième, on va dire deux ou troisième date importante qui lance vraiment, pour le coup, là, la saison complète de pêche, qui intervient le dernier samedi d'avril, c'est le 29 avril cette année, au matin. Donc on rappelle que le brochet, c'est une espèce vulnérable dont on ferme la pêche entre fin janvier et fin avril pour qu'il se reproduise tranquillement. Et fin avril, on a le droit de nouveau d'utiliser les techniques à brocher, donc la pêche au leurre, la pêche au vif, au poisson mort, etc., cuillère, tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, à partir du 29 avril, le brochet est ouvert et on peut pêcher, c'est vraiment la dernière date. Le dernier temps fort qui lance vraiment la saison, en fait. Après, c'est cool. Juste un petit rappel, c'est que le cendre, on a décalé aussi son ouverture parce qu'il se reproduit un tout petit peu plus tard. Donc le cendre, il l'ouvre qu'au mois de mai. Mais bon, on a le droit de pêcher à partir du 29 avril, au leurre, au vif, etc. Il n'y a pas de souci. Parfait. Et autre actualité aussi, c'est également le programme d'animation qui est proposé par la Fédé. C'est sorti ? Tout à fait. Comme chaque année, la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique définit un petit programme d'initiation à la pêche. Alors, il y a différentes techniques. Si vous voulez apprendre à pêcher, par exemple, l'aspe. On avait fait une chronique sur l'aspe, qui est un poisson carnassier qui vit là sur la Moselle. On a deux dates pour la pêche de l'aspe. On a des initiations à la pêche à la mouche. On en avait parlé aussi. On a aussi, si vous voulez apprendre la pêche en famille avec vos enfants, que vous soyez parents ou grands-parents, vous pouvez venir avec nous. C'est sur Liverdun. On a une date aussi à Favière. Tout le programme est en fait dispo avec les dates, les horaires, les tarifs, etc. sur le site internet de la Fédération. On peut le rappeler, c'est www.pêche-54.fr. Merci beaucoup François, merci beaucoup Marielle. Et vous retrouverez bien sûr cette émission en podcast sur le site de la radio, fadjet.net. Et au mois prochain. À bientôt. Au revoir. Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique.